donner la parole à Philippe Ratt, qui est agrégé d'histoire, qui va nous permettre de poursuivre notre réflexion commune. Et il a donné comme titre à son intervention, mais il faudrait que vous puissiez avoir le papier pour voir la différence d'orthographe entre l'entre autre et l'entre soi, anté oui, anté non. Mais il faut avoir le papier sous les yeux pour comprendre la différence entre anté oui et anté non. Voilà. Et antérieur. Postérieur. Alors, il faut vous en prendre à François Julien si, pour votre malheur, vous allez passer une demi-heure à ces jeux de mots. En fait, il a jugé utile qu'à partir d'une conversation après boire qu'on avait eu tous les deux, en étant des idées échangées entre nous à son cercle d'amis ici réunis. Et c'est pourquoi me voilà, comme dirait le général de Gaulle, il y a très longtemps. Je suis simplement le cheminade du casting dans cette histoire. Après deux professeurs émérites de philosophie, je ne connais rien à la philosophie, rien à la Chine, et pas davantage à beaucoup d'autres choses. Ça me permet de remarquer simplement, en tant que béotien, que nous sommes ici dans un lieu singulièrement écarté, en ce sens que nous sommes dans une ville qui s'honore d'avoir un stade Lénine et quelques avenues au nom qui fleurent bon le mur des fédérés, et puis en même temps s'y trouver dans un lieu hyper-capitaliste par ses formes, par sa manière d'être. Il y a donc un écart consubstantiel à notre manière de réunir et y faire de la philosophie et de surcroît un clin d'œil supplémentaire, si on ne veut pas dire une connivence. Alors, pour permettre à tous ceux que la somnolence post-prandiale gagnerait de sommeiller tranquillement, je voulais dire une chose très simple. François Julien est un jour parti comme Tintin vers la Chine, il est parti ailleurs, loin, et il n'y est jamais arrivé, si je veux dire. Ou plutôt il y est arrivé, il en est revenu, il y est retourné, il a arrêté de faire ça, jusqu'à s'apercevoir qu'il allait ailleurs que dans cet entre-deux. Et j'aime bien, dans ailleurs, faire une petite diérèse et avoir la notion de aille, il faut qu'on y aille, et heure avec un H qui veut dire bonheur. Autrement dit, il y a une démarche de glissement, de passage, d'évacuation, de fuite par rapport à cet entre-deux liminaire, qui me paraît plus intéressante à la limite que l'importante œuvre préalable dont je suis incapable de juger, parce que je suis obligé de faire crédit sur la Chine à ce que je vois d'excellent sur le côté grec de la chose que je peux mesurer, mais la Chine je ne peux pas. Donc je présume que c'est bien des deux côtés, mais ça je ne peux pas juger. En revanche, nous pouvons tous juger, et c'est important pour nous, de cette fuite vers l'ailleurs, ailleurs, qui est effectivement l'objet du propos que je veux tenir ici très brièvement. Alors, au fond, ayant, comme tant d'autres avant lui, Marco Polo, depuis ces jésuites nombreux qui ont exploré la Chine avant lui, découvert qu'il y avait un écart, que la Chine c'est pas ici, qui a été utopie et tout ce qu'on voudra, François Julien a approfondi l'écart, très bien. Mais il a surtout eu le flair de percevoir que s'il y a écart, alors il y a de l'antre. Et cet antre est plus intéressant que l'écart. L'écart c'est une sorte de ping-pong, d'aller-retour, je juge la Chine par rapport à ici, elle me regarde par rapport à ici, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il y a une sorte d'aporie à vouloir lire la Chine avec des moyens grecs, les Grecs avec des moyens chinois, parce que toujours quelque chose échappe, et c'est ça qui devient extrêmement intéressant. Alors, pour formuler cette notion de se tenir à l'écart, il y a trois manières de l'entendre. Il y a d'abord le fait de prendre un peu de recul, de s'éloigner un peu et de l'un et de l'autre, et de regarder depuis un lieu, je ne qualifie pas pour l'instant, je vous donnerai un nom tout à l'heure, mais un lieu indistinct, imprécis, qui n'est ni en Chine, ni en Europe, ni dans la culture de l'un, ni dans la culture de l'autre, qui se veut délibérément toujours un pas plus loin ou un pas en deçà, un lieu décalé, un lieu dérivé, qui n'est pas sur une rive, en quelque sorte. Bien. Ça, c'est la première acception, ça a l'air plutôt facile à faire. Il y en a une deuxième qui est beaucoup plus difficile, c'est se tenir à l'écart, ça veut dire s'en tenir rigoureusement à cette notion d'écart. C'est-à-dire au lieu d'aller d'un côté et de l'autre, creuser cette situation intermédiaire difficile. J'essaie de vous dessiner ça de manière lisible, pour que ce soit plus compréhensible de ce que je dis. Nous sommes habitués à avoir un penseur-passeur, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un qui part d'une rive, la Grèce, pour aller sur l'autre, la Chine, et revenir. Eh bien, pour définir cette notion de s'en tenir à l'écart, c'est-à-dire se mettre à l'écart de l'un et l'autre, je dirais qu'il faut passer du penseur-passeur au sapeur-sampeur, c'est-à-dire quelqu'un qui ouvre une brèche, quelque part, sans savoir s'il y a des bords à cette brèche. Quelqu'un qui ouvre une faille sans savoir s'il y a des rives à la faille. Quelqu'un qui navigue dans un fleuve, que j'appelle le RIP, vous connaissez ce que c'est que le RIP, c'est le bras de mer entre le B et la Tique, qui est ainsi fait qu'on ne peut pas savoir dans quel sens coule l'eau, parce qu'elle coule sans arrêt dans un sens puis dans l'autre, en raison des phénomènes de marée. Et donc c'est typiquement un lieu adéquat pour décrire ce dont nous parlons, parce que On ne sait pas trop où sont les rives, supposons qu'il y ait des brouillards, ça arrive en Grèce à certains moments. On ne sait pas ce qu'il y a devant, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas quelle est la généalogie, on ne sait sûrement pas vers où on va. Et dans cet état-là se pose la troisième acception de se tenir à l'écart, c'est se tenir, virgule, à l'écart. Parce que quand on est à l'écart, c'est très dur de se tenir. Pour vous le faire comprendre d'une image que vous avez tous en tête, vous avez tous été enfants, dans la fusée lunaire qu'évoquait presque notre ami Mouniou tout à l'heure, les Dupont, on leur dit de se tenir quand on va redémarrer l'appareil. Ils se tiennent tous les deux. Et ils disent, allez-y, nous nous tenons. Et puis ils tombent, évidemment. Eh bien, se tenir, ça n'est pas se tenir les uns les autres. C'est pas se tenir par la barbichette. C'est pas faire le grec et tenir le chinois et réciproquement. C'est se tenir tout seul, tout court. Et se tenir dans l'écart, c'est une opération délicate dont je voudrais essayer de montrer à la fois qu'elle est réussie, qu'elle est difficile et qu'elle est vitale. Alors, premièrement, comment est-ce que notre ami parvient à se tenir, virgule, à l'écart, c'est-à-dire à ne pas défaillir, à ne pas tomber dans la faille, à ne pas être manquant? Eh bien, il me semble qu'il y arrive très bien par une méthode, qui est la méthode de la mise en regard. Je voudrais commenter ça un instant, parce qu'avec la notion de regard, on retrouve deux mots qui nous sont familiers, théorie et intuition, qui veulent tous les deux parler de regard. Intuere, c'est voir, théoriser, c'est regarder aussi. On sait qu'intuition et théorie ont eu des chemins divergents dans notre culture occidentale, et tous les deux ont un point commun, cependant, c'est l'idée que quelqu'un regarde. Quelqu'un a l'intuition ou quelqu'un a la théorie, mais il y a quelqu'un derrière, il y a un sujet. Donc dans l'idée que je porte un regard sûr, c'est bien l'idée que je suis là. Cogito ergo sum, etc., on nous l'a dit tout à l'heure. Bref, il y a quelqu'un. Il y a un sujet, et s'il y a un sujet, on peut aller jusqu'à penser qu'il y a de l'être sous ce sujet, retour à cogito une fois de plus. Or, mettre en regard, c'est tout à fait différent. C'est se priver de la possibilité de regarder. C'est se démunir volontairement de la posture du regardant. C'est mettre les choses l'une devant l'autre, de telle manière qu'elles soient en regard et non pas sur regardant. Pour vous donner une manière un peu simple de comprendre ça, c'est prendre l'acception du mot regard, tel qu'on le fait en plomberie, c'est-à-dire c'est un trou dans une canalisation qui permet de voir ce qu'il y a dedans. Mais ce trou ne vous regarde pas, pas plus que l'œil dans les tombes ne regardait qu'un. Donc c'est ça, la mise en regard. Faire qu'il y ait une faille, qu'il y ait un trou, qu'il y ait quelque chose d'inadéquat au flux, pour aller voir ce qu'il y a dans le flux le cas échéant. Mais vous voyez que c'est une posture assez délicate. Pour le dire autrement, il n'y a pas de maison pour ce philosophe-là, il n'y a pas d'auberge, il y a une auberge, c'est-à-dire que c'est l'eau qui sert d'auberge. Et donc c'est un problème un petit peu compliqué pour être hébergé. Donc, il s'agit en l'occurrence, si vous voulez, pour le philosophe en question de tenir le milieu, et non pas d'être dans le milieu, se tenir dans le lit du fleuve, on reparlera de lit dans un instant, mais cette posture, si vous voulez, je vais la formuler encore d'une manière qui se veut un peu comme le titre à clin d'œil. Je dirais que celui qui invente du vrai, inventé au sens où on invente un trésor, on le trouve, on gratte et on trouve, eh bien c'est celui qui vint, entre, mais sans en avoir l'air. C'est-à-dire qui se trouve entre les choses, mais qui y est venu un peu subrepticement et sans trop le montrer, en faisant mine de s'intéresser à la Chine ou à la Grèce, mais qui ouvre autre chose. Alors, pourquoi est-ce que ça... Ça m'a interpellé. Autrement dit, pourquoi, pour le dire un peu brutalement, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au travail de François Julien une fois dépassé son magistère, c'est-à-dire une fois passé au-delà du rapport Chine-Grèce qui m'avait tant passionné, que j'ai tant admiré, tant intéressé, mais il me semble qu'il y a une petite voix en plus qui est en train de sonner. Et la voici. Il me semble que cette démarche d'aller chercher et d'aller affirmer et d'aller prouver par l'action qu'il y a de l'antre, qu'il y a de l'antre au-delà du fait qu'on observe un écart. Autrement dit, qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas consistant, positif, mais qui a un appel permanent à la faille, à la dérobade, au manque, le fait qu'il y a ça me paraît vital aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Si nous avions la chance d'être dans une maison, dans une organisation encore plus puissante, il y aurait un grand écran ici à côté, il est là d'ailleurs, et on verrait en train de vous parler en images, là. Et je suis certain que tous les regards seraient là. Faites l'expérience, allez dans n'importe quelle salle, vous voyez une vraie personne qui parle et son image pixelisée. On regarde l'image pixelisée parce que là, c'est vrai. Et là, c'est juste l'input. D'accord ? Ça, c'est un signe qui devrait nous alerter. Et il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire que nous habitons aujourd'hui un monde qui est sous un régime de pixelisation universelle, pour le dire brutalement, d'altérité généralisée, c'est-à-dire un plasma de non-identité, un plasma de flou dans le flux, et une situation qui abolit totalement, qui dissout, qui est une sorte de solution finale, j'y reviendrai, du sujet. Le seul remède à ça, c'est pas de s'insurger et de dire « moi je suis pas d'accord », c'est de pratiquer la distinction, la différence, l'écart, et d'affirmer que quoi qu'il arrive, quelle que soit la téfalisation dans laquelle la mondialisation nous place, il demeure du grain. Il demeure non pas un grain positif, mais un manque, un creux, un pas à faire. Il y a du pas, pour le dire autrement. Alors ça, c'est une chose vitale, parce que, on va y venir dans un instant avec une comparaison empruntée à la méthode de François Julien, nous sommes aujourd'hui, sans le savoir, dans un très grand péril collectif, commun, dont nous ne voyons pas la teneur, qui est précisément ce risque de dissolution de la pensée de la culture sous deux formes différentes. Soit le repli, la crampe dont tu parlais, on se retire, ça fait mal d'un seul coup, le repli identitaire, qui est tout de même, il faut l'avouer, le summum absolu de l'imbécilité. Ça consiste à réinventer des choses qui n'ont jamais existé pour un projet qui n'existera jamais. C'est, passez-moi l'expression, la connerie à l'état pur. Ou, inversement, ce qui est pire, c'est ne pas voir que l'on baigne dans une sorte de jus d'assimilation lente, progressive, exactement comme la grenouille dans l'eau tiède qui progressivement est chauffée et qui meurt sans le savoir. C'est notre cas à tous, il n'y a qu'à regarder la télé tous les soirs pour s'en rendre compte. Donc c'est une situation, à mon avis, dangereuse, et contre laquelle une certaine forme d'insurrection doit se produire, mais pas dans la rue, dans les esprits. Je vous rappelle la décision, enfin le justificatif adopté le 16 novembre 1945 par les rédacteurs de l'acte constitutif de l'UNESCO pour fonder cette institution en conjuration de la grande et terrible guerre qui venait d'arriver. Il dit une chose très simple, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Et bien, c'est exactement la même chose qui se pose aujourd'hui. L'enjeu dont nous débattons ici, c'est exactement ça. Comment élever dans l'esprit des hommes les défenses de la paix, si l'on veut, je dirais plutôt de la survie dans cette capsule spatiale que tu évoquais tout à l'heure à propos de Sotterdijk, qu'est la Terre. Parce qu'on peut lire dans les deux sens. On peut lire, vous voyez comme c'est cher d'aller faire là-bas en l'air l'équivalent de la Terre. Oui, c'est vrai. Mais on peut lire à l'envers. Vous voyez comment c'est difficile de faire vivre une capsule spatiale. Or, nous sommes une capsule spatiale. Nous, la Terre. Une toute petite capsule spatiale autour du Soleil, perdue dans le cosmos. On ne verra jamais nous secourir ni nous récupérer. Et c'est très difficile de faire fonctionner ça, et nous ne le savons pas. Regardons la question pour le comprendre, et c'est là que se pose notre problème, peut-être demain. Alors, la notion d'entre-soi et d'entre-autres, qui est dans le jeu de mots que j'ai voulu mettre pour me faire accepter auprès de vous, il me semble qu'il y a là deux oxymores. C'est-à-dire, dans la notion d'entre-soi, si vous voulez, est assez étrange. Elle pose l'entre comme étant le lien constitutif, et le soi comme étant englobant. Alors, qu'est-ce que c'est que cet entre qui forme du soi? Où est-il? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est constitutif d'un soi dans l'entre? Et l'entre-autre, c'est à peu près la même chose. En ce sens, c'est une notion qui est, à la lettre, absurde. Si on est vraiment autre, X ne devient autre par rapport à Y, que dès l'instant où X se trouve totalement déconnecté de Y, sinon il est toujours tangent, continu, contigu, etc. Donc il faut que X soit au-delà de cette espèce d'éther à travers lequel des ondes porteuses conduiraient de l'entre entre lui et moi. X est radicalement autre de Y, et donc il n'y a pas d'entre-autre. Et s'il n'y a pas d'entre-autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'entre. Donc c'est un concept qui en soi est absurde, malheureusement. Nous savons qu'il gouverne le différentialisme universel, le côté sans frontières que tu évoquais tout à l'heure, et l'idée qu'au fond, toute culture est égale, que toute situation se vaut, que nous sommes dans une pulvérulence des cultures et des civilisations qui se développe jusqu'à l'intérieur des schizophrènes que nous sommes tous. Donc il y a une situation, si vous voulez, réelle, soutenue par toutes sortes de vision du monde qui tend à la pulvérulence des appartenances et qui nous situe dans une situation entre autres, tout se vaut, c'est ceci entre autres, on peut dire ceci entre autres, etc., qui est le néant à l'état pur. Donc, ni entre soi, parce que c'est le jeu des cultures qui vivent dans leur jus sans savoir qu'elles parlent la langue qu'elles ne savent pas qu'elles parlent, ni entre autres, parce que c'est pas mieux. Et donc, il faut être ni dans l'un ni dans l'autre, cherchons où. Et on va se demander où. Il me semble que précisément, le travail auquel nous nous intéressons tous ensemble aujourd'hui, nous y aide. En ce sens qu'il propose un lieu. Et ce lieu, je me suis amusé, avec l'aide de dernière seconde de François Julien, à en montrer la nature. C'est un lit-e. C'est-à-dire, c'est à la fois moisson faux, c'est bien ça? Donc, le psyle lui-même se décompose en deux choses. Le profit, la fructification, c'est l'idée que la moisson peut être fauchée. Donc, il y a déjà de la complexité, il y a déjà de la fente à l'intérieur de ceci. Il y a déjà de la faille à l'intérieur. Et j'ai mis « e » en grec pour dire que c'est bien. Autrement dit, cette fente, elle est excellente. Le lieu, c'est bien. Et quand tu parlais tout à l'heure de foncier, moi j'ai plutôt envie de parler de fond scié. C'est-à-dire qu'on a coupé quelque chose dans le fond, il n'y a pas d'assise, il n'y a pas d'assiette, il y a au contraire un manque, il y a au contraire une ouverture, il y a un chiasme, un chiasma, un kain. Alors c'est le deuxième mot que je voudrais apporter pour dire ce qu'il y a dans ce lieu, et suggérer un concept qui, à ma connaissance, ne circulait pas jusqu'à maintenant, c'est ce que j'appelle le moment incaotif. Nous sommes tout à fait habitués à ce que c'est qu'un moment incoatif. On commence. Par exemple, tout à l'heure, vous avez dit il est 11h32, c'était le moment incoatif de cette session. On sait que le Big Bang, on sait le penser rétroactivement par rétropédalage, il a eu lieu à tel moment, et ça a été incoatif. On a du mal à penser avant et pendant, mais enfin, on sait penser le début. Moi, je voudrais vous proposer la notion de moment incaotif, c'est-à-dire le moment où ça commence à kain, béer, s'ouvrir, créer du chaos, mais pas du chaos. Il s'agit précisément, on est à l'instant où ce n'est pas encore du chaos. Le chaos, c'est la résultante terminale du kain. Il s'agit de l'instant où ça s'ouvre. Et la suggestion que je voudrais faire à partir des lectures attentives et admiratives que j'ai faites de très nombreux ouvrages dont nous parlons aujourd'hui, c'est que nous avons là une invitation à ça, précisément. Pas à nous intéresser à la Chine, tellement d'autres gens l'ont fait très bien. Pas à nous intéresser à la Grèce, tellement d'autres gens l'ont fait très bien. À l'entre-deux, beaucoup moins l'ont fait très bien. Enfin, bon, une fois qu'on a vu de quoi il s'agissait, il y a plus que ça. Il y a l'idée qu'il y a une sorte d'appel épistémologique, d'appel, je dirais presque, ontologique, à être en permanence dans l'exigence d'une ouverture. L'exigence que quelque chose ne soit pas complet. Le refus qu'une chose soit close et terminée. Et ça, je pense que c'est exactement ce qui est au cœur du sujet qui nous est posé aujourd'hui, c'est-à-dire cette notion d'universel et de commun. Eh bien, j'aimerais suggérer que l'universel et le commun sont là. Non pas dans quelque chose qu'on pourrait nommer, qu'on pourrait décrire, qu'on pourrait définir comme totalisant, ou qu'on pourrait éventuellement placer en mode relatif avec plusieurs exceptions, comme des traductions qu'on aurait faites d'un même livre, mais dans ce manque perpétuel. Au fond, l'universel, et ce serait la même chose que la singularité, c'est le fait de ne pas être l'autre, et cependant d'avoir affaire à lui, et cependant d'être en relation avec lui. Autrement dit, on pourrait suggérer que l'universel, c'est le hiatus, si on l'entend comme il y a tu, il y a relation. Alors, étant arrivé à ce point, si vous voulez, où il semble trouver dans l'œuvre que nous discutons aujourd'hui un appel en permanence à aller chercher du creux, du vide, à aller ouvrir une sape, comme je le suggérais tout à l'heure, et sans avoir peur de ne rien y trouver, parce que c'est exactement ce qu'on y cherche, c'est d'y trouver un lieu d'où voir des écarts et des différences, sans être piégé ni par un langage, ni par une culture, ni par rien du tout. Donc un lieu discursif et un lieu de débat, un lieu dont personne n'a la clé, un lieu dont personne ne détient la vérité, un lieu ouvert. En étant arrivé là, je voudrais essayer de franchir avec vous un pas de plus. Et pour ça, appliquer au fond la méthode de François Julien à François Julien. Autrement dit, ayant observé que ce qui a rendu cette démarche possible, c'est d'opposer la Chine et la Grèce d'abord, pour voir qu'entre les deux, il y avait plus que de l'entre-deux, plus que de l'écart. Mais on va recommencer en appliquant ça à lui et Lévinas. Pourquoi ? Parce que Lévinas a appliqué la même méthode entre la pensée grecque et la pensée hébraïque, avec le fruit que l'on sait, et c'est probablement un des môles philosophiques les plus solides de cette deuxième moitié du XXe siècle. Mais, alors, on n'est pas là pour parler de Lévinas, donc on va faire très vite, pardonnez-moi tous les raccourcis abusifs que je vais faire. Schématiquement, ce qu'il nous apprend, c'est qu'en fait, l'être ne se trouve que de manière elliptique dans la transcendance qui s'affiche dans le vis-à-vis. Deux visages l'un face à l'autre expriment à la fois l'altérité absolue, les corps sont pas résorbables l'autre, et témoignent de la transcendance qui, par définition, est ouverte, n'est pas totalisable. La transcendance n'est pas une totalité. Bien. Autrement dit, on a un schéma dans lequel on a d'un côté Lévinas qui nous dit l'être, le sujet, la singularité sont des leurs par contraste avec cette vérité transcendantale qui est la relation de moi à toi, et qui se manifeste en effet dans l'amour, qui se manifeste en effet dans la pensée, qui se manifeste en effet dans le discours, et qui se manifeste tout court dans le fait de la dignité humaine, d'être homme, simplement, avec un H comme anthropos, évidemment. Et de l'autre côté, on a François Julien qui nous dit, entre la Chine et la Grèce, j'ai beau faire des allers-retours permanents, il y a tout le temps une virgule flottante, il y a tout le temps quelque chose qui manque, il y a tout le temps quelque chose où je vais m'installer pour regarder comment c'est pas comme je pensais que c'était. Voilà. Eh bien, si je mets en parallèle les deux, si je prends les deux et je les mets en écho, comme l'un fait entre la Grèce et la Chine, et l'autre entre la Grèce et le monde hébraïque, je trouve quelque chose de neuf qui est cette notion d'entre. Mais pas une notion creuse, pas une notion en creux, une notion entre qu'on pourrait lire à travers notre tradition chrétienne, qui est facile à avoir à l'esprit, la notion de Trinité. C'est dès l'instant où Dieu est dans la Trinité, on a du mal à savoir où il est. Le Père engendrait le Fils par l'opération du Saint-Esprit, mais lequel est le Fils du Père ? Enfin, c'est très compliqué. Il n'est pas là où on pense qu'il est d'abord. Donc il y a cette idée d'une présence dans l'ellipse, en quelque sorte, qui est commune à tous les deux, et qui s'appelle la transcendance, et qui est un remède contre ce qu'on appelle la téphalisation du monde. Il y a toujours cet absolu qui s'affirme, qui existe, qui est un humanisme, d'une certaine manière. Alors, on peut faire un pas de plus parce que quand on se souvient des conditions sur lesquelles Lévinas a pensé, on voit très bien pourquoi il a cherché à trouver cette alternative au sujet occidental pour fonder un monde à venir. Il était passé par la Shoah, lui. Il savait de quoi il parlait quand même. Et j'aimerais proposer cette idée, qui peut-être aventureuse, on parle de ces questions-là, qui est une main tremblante, comme disait Montesquieu, qui ne savait pas qu'il y avait la Shoah, à savoir que la notion de solution finale, je la vois à deux degrés. On sait ce que ça veut dire. On l'a tous vu, on a vu Auschwitz, très bien. Ça, c'est l'horreur absolue. Mais ça me paraît une fonction d'un problème plus général que la amnésie a mise en œuvre, qui est la dissolution finale d'une société dans le tout. Ça s'appelle le totalitarisme, soyons très schématiques. Autrement dit, il fallait éliminer ce qui incarnait la notion de sujet à l'état pur et qui était irréductible à la dissolution universelle par une solution finale. Il y a un double miroitement de ces concepts-là. Et donc c'est par rapport à cette horreur que Lévinas a réagi. L'horreur de la destruction, mais je voudrais dire que l'horreur était antérieure au premier geste violent qui a été commis. Elle était déjà dans l'esprit des hommes, elle était déjà dans le logiciel qui allait conduire à ce qu'on fasse cela. N'aurait-on tué aucun juif dans la Seconde Guerre mondiale, l'horreur était intégralement là. Primo Levi l'a très bien dit d'ailleurs en disant, du jour, je cite de mémoire mais c'est presque exact, du jour où l'on considère l'autre comme une menace, alors au bout de cette pensée il y a le lager. Il emploie le mot lager de manière très ferme. Donc la solution finale est présente comme logiciel avant la solution finale. Et c'est contre cette deuxième chose-là, la solution finale logicielle, que Lévinas fabrique une riposte. Alors, comme c'est la même riposte que nous fabrique François Julien, on peut se demander contre quoi il la fabrique. Et c'est ça, effectivement, qui nous permet de voir ce que nous ne voyons pas. Et c'est en ça que c'est un levier qui me paraît important. Alors, on va essayer de schématiser pour que ces propos un peu décousus prennent du sens. Et avant de le faire, je voudrais vous suggérer une figuration de la posture de ce que j'appelle le philosage, qui n'est ni philosophe ni sage. Le philosophe occidental, il est un peu comme ça quand on y réfléchit. Pardon pour ceux qui sont dans la salle, mais il se pose comme un œil tout en haut d'un cône de vision et qui regarde un cercle et qui est tout content d'étager ses visions et de rendre compte de la chose. Mais comme les philosophes sont très mauvais physiciens, ils ne connaissent rien de l'optique et à ses lois, et ils ne pensent pas que, depuis ici, ce qu'ils voient très bien, c'est ce qui est tangent au cercle final selon une sphère de vision qui est comme ça, mais ils voient un seul point. S'ils veulent voir tous les points du rond, il faut qu'ils déplacent constamment la hauteur de vision ou qu'ils déplacent la focale. Bref, ils changent sans arrêt le logiciel de leur pensée. Et puis, ils oublient complètement ce qu'il y a autour du cercle de leur pensée, ce qu'il y a dans le vide ici autour et ce qu'il y a au-dessus. Qu'ils abandonnent au mythe, au langage, au non-dit, au objet, que sais-je encore. Donc ça, c'est la posture du philosophe occidental qui, évidemment, paraît insuffisante à celui qui connaît la posture du chinois, qui lui, plus malin, met son oreille au milieu d'une sorte de cupule et qui laisse tranquillement descendre vers lui les influences, les propensions, les images, bref, tout ce que le monde lui fournit. Remarquez que tous les deux ont le même problème, parce que celui-ci a beau avoir la vue perçante de l'aigle, et celui-là a beau avoir l'oreille attentive de tout animal que vous voudrez, le lapin par exemple, eh bien, tous les deux ont un problème de saturation très rapide, donc de mise en ordre, donc de construction, donc de détachement des choses qui leur parviennent ou qu'ils voient, et c'est un problème commun. Eh bien, il me semble que les apories, les limites de ces deux systèmes laissent notre philosophe ou sage, dans la posture que voici, c'est d'être posé sur un espace convexe, j'ai fait une sphère parce que c'est plus facile, ça pourrait être n'importe quoi, un espace rond comme ça, qui ressemble beaucoup à ce que Sloterdijk décrit d'ailleurs dans le premier temps, on est posé sur une sphère. Et là où c'est embarrassant, c'est que on ne voit pas très bien ce qu'il y a au-delà des bords, de chaque côté. On est obligé de descendre un peu, mais c'est dangereux, ça peut tomber, on ne sait pas trop. On doit écouter, on doit aller voir, avec deux dangers. Si ça part du philosophe comme ça, il va très vite se retrouver à sec. Il va très vite être privé de la capacité à aller plus loin. Et si, comme le sage, il laisse venir les choses, il risque très fort de se faire entièrement tsunamiser, d'être dominé par les phénomènes qui viennent sur lui. Donc c'est une posture héroïque, difficile, difficile à soutenir. Il est difficile de s'y tenir. Imaginez une sorte de pingouin debout sur un objet flottant sur la mer avec une mer démontée, c'est difficile. Cette posture-là est cependant vital à occuper. Mais pas à occuper forcément comme une posture de plénitude, d'où je dis le droit, d'où je dis l'universel, d'où je dis le sens, d'où j'exprime ce qui se passe, mais d'où je crie au secours. C'est-à-dire d'où je crie, effectivement, pour demander ce qui se passe. Alors, pour m'acheminer vers une conclusion que le temps commande, Monsieur le Président, ceci, on va résumer les choses très simplement. François Julien, entre la Chine et la Grèce, invente le Kain, ou en tout cas le met en œuvre. Bien. Lévinas, entre Israël et la Grèce, invente le vis-à-vis. D'accord ? Tous les deux établissent donc de ce fait un point commun, parce que le Kaen, c'est aussi une sorte d'acception du vis-à-vis réciproquement, sans être la même chose. Et j'appelle ça l'autre, que j'ai approché par la notion de trinité, mais aussi par celle de dignité. La notion de dignité, vous savez bien, vient de dignitas, d'ethnibi, je montre, et pour montrer, il faut être trois. Un qui est montré, un qui monte, et un qui on montre. Donc c'est la trinité, c'est un tripode nécessaire pour accéder à la dignité. Ceci, on voit très bien à quoi ça fait contrepoids, que ce soit dans la pensée de Lévinas ou dans les textes fondateurs de l'UNESCO, dont je vous rappelle qu'ils indiquent que la grande et terrible guerre dont je parlais n'a été rendue possible, je cite sic verbatim, que par le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine. Sans aucune autre... Et on ne dit pas qu'il y a renié. On constate qu'il y a eu du reniement, c'est tout. Donc c'est un peu la même chose. Alors, contre quoi est-ce que ceci s'inscrit en inverse, en quelque sorte, contre bien sûr la Shoah, la solution finale que j'ai dit, l'élimination et le totalitarisme. Et du coup, si on procède à partir d'ici et ça, un peu comme le perroquet, quand il veut bouger, il a le bec et les deux pattes, il bouge à la fois, eh bien, le perroquet julien nous amène ici, c'est-à-dire à savoir ce qui se passe là, et avoir une réponse à ça. Eh bien, peut-être que ce contre le mal contre quoi ceci, qui cofabrique en quelque sorte en écho, en béance, ce qu'on voudra, avec Lévinas, c'est ce que j'appelle l'annulisme, par opposition au totalitarisme, c'est-à-dire non pas une totalisation, mais une multiplication par zéro d'à peu près tout, de toute valeur, de toute réalité, de toute identité, au fur et à mesure du brassage. C'est un phénomène mécanique, on sait très bien, vous mettez des granulés de formes diverses dans un broyeur quelconque, ou dans une machine qui les fait tourner, les vagues de la mer, par exemple, à Dieppe, et ça finit par une granulométrie absolument lisse et homogène au bout d'un certain temps. C'est le processus qui est en cours dans le monde que nous habitons, et c'est contre ce processus qu'il faut bâtir en permanence cet appel à l'antre, qui est, si je veux dire, le contraire d'une antre, donc le contraire de nos habitudes, parce qu'une antre, on y entre, si j'ose dire, elle a des bords, elle a un fond, c'est la fameuse caverne du camarade Platon, alors que l'antre, c'est le contraire, il n'y a ni bord, ni entrée, et on ne peut pas y entrer, puisqu'il n'y a que des portes dans cette fonction de entrée dans l'antre tel qu'on le conçoit ici. Ça s'arrête presque là. Alors, je voulais conclure et renouer avec les deux professeurs qui m'ont précédé en revenant sur une approximation de ce lieu de l'antre. Ce lieu de l'antre, ce lieu incaotif, me semble être typiquement l'espace de la traduction. Mais la traduction comprise comme ceci. La traduction nous prouve, il suffit d'essayer, que le sens qui se trouve dans une phrase A ne peut pas être converti à l'identique dans la phrase B. Nécessairement, il y aura réécriture. On perdra un peu, on ajoutera un peu, avec deux conséquences. Ça veut dire que le sens n'est pas dans un contenant, il n'est pas non plus un contenu. Le sens est une chose qui se crée et se fabrique par écart. Si on prolonge cette réflexion entre deux langues A et B, on voit que dans la langue A, on traduit, quand on parle la langue A, et dans la langue B, on traduit aussi. Parler, c'est traduire. Penser, c'est traduire. C'est manipuler les sens, les faire jouer les uns par rapport aux autres, les transformer à mesure qu'on les emploie. Autrement dit, le paradigme, si vous voulez, de l'écart irrécusable, inévitable entre deux langues, se propage dans chacune des langues à l'infini. Et il en est même la structure fondamentale. Une langue est poreuse, par définition. On va dire ça comme ça. C'est une fractale. Une fractale, c'est une fonction très simple qui répercute à toutes les échelles la même structure. Sauf que l'équation de la fractale en question, c'est justement qu'il n'y a pas de figure. Et qu'il n'y a pas de figure qui serait sous-jacente à toutes ces formes grandes, moyennes et petites, où il y a chaque fois du manque, chaque fois de la faille. La traduction nous apprend, elle qui conduit à travers, comme le passeur, penseur-passeur, qui nous conduit à travers, elle nous apprend que nous sommes tout le temps en état de flottaison, jamais en état de sens définitif. La preuve d'ailleurs, prenez n'importe quel texte de n'importe quelle époque, et voyez les traductions qui ont été faites, elles sont comiques, par moment, aujourd'hui. Je vais vous donner un seul exemple qui m'a frappé, je l'avais évoqué l'autre jour, je relisais un texte d'Isocrate qui parlait du koinos, par opposition à l'idios, donc commun par rapport à ce qui est particulier. Que traduit, je crois que c'est Léon Robin, mais je ne pense pas lui, non, c'est pas Léon Robin, c'est un autre immense helléniste de l'époque, érudit jusqu'au doigt de pied, formidable. Il traduit l'État. C'est comique. Ça n'a pas de sens. Dire que Koinos, c'est l'État, ça a du sens en 53, l'année où Staline vient de mourir, ça n'en a plus pour nous. Ou ça a un autre sens, c'est différent. On voit très bien comment la traduction doit être constamment reprise, à tout moment et de toutes les manières. Je m'arrête là-dessus pour suggérer qu'au fond, on pourrait prononcer le mot pensée à l'Auvergnat, je crois qu'il y a du Auvergnat dans le sage, toujours bien, en disant c'est se pencher. Et pericolosos pongeras, disait-on dans l'écrit autrefois, il faut se pencher. Et c'est l'acte de se pencher qui déplace, qui corrige, qui modifie, qui fait qu'on ne voit pas droit. Et c'est ce péril-là auquel s'est exposé un des premiers, notre ami François Julien, mais auquel nous sommes tous invités à nous exposer, et au fait, qu'on le veuille ou pas, nous y sommes exposés en permanence, sauf que nous ne voyons pas, ou nous feignons de ne pas le voir, ou nous passons à côté sans y faire attention, parce que nous n'avons pas le scrupule. Je parlais de la chaise curule ou de la position au cupule. Le scrupule, c'est peut-être encore autre chose, enfin des paronomases, comme tout le monde, c'est à la mode en ce moment, on a fort ou pas. Le scrupule de regarder la différence ou d'écouter ce qui dissonne. Un dernier mot simplement, une comparaison qui m'était venue à l'esprit il y a très longtemps et je vous communique, c'est celle de la photographie par holographie. Vous savez qu'un hologramme, c'est une vue en volume. Et le truc, pour y arriver, c'est très simple, on envoie un rayon laser avec un petit miroir et un autre qui va directement, et on enregistre les franges d'interférence des deux rayons qui arrivent à des moments légèrement différents sur l'objet. Quand on lit les franges d'interférence, on récupère l'objet. Et c'est une façon de lire, c'est exactement celle qui décrit la méthode et de Lévinas et de François Julien, c'est-à-dire prendre un même rayon laser, le grand Lévinas, le grand François Julien, qui regarde, et qui envoie deux signaux sur deux objets différents, et puis ça revient avec une interférence. Et on lit la frange d'interférence. Sauf qu'elle a un point intéressant, celle-ci, c'est comme une photo, qu'on prend une photo classique, soit par pixel, soit par image argentique. Si vous la découpez en quatre, vous avez quatre morceaux de photo. D'accord ? C'est pas la même. Sur une plaque d'hologramme, quelques morceaux vous preniez de la plaque d'hologramme, vous avez l'image complète. Plus ou moins dégradée, mais vous avez l'image complète. Autrement dit, cette comparaison nous aide à comprendre qu'en regardant la fadeur par rapport aux épices, qu'en regardant la stratégie, qu'en regardant les tableaux, qu'en regardant le langage, qu'en regardant que sais-je encore, à tout moment, on signale cet écart, et donc on invite à se rappeler que l'écart ne sera pas résorbé, qu'il restera de l'antre, et que c'est là que nous habitons. Heidegger disait que le langage est la maison de l'être, j'ai tendance à penser que le langage c'est plutôt la barque de charron. C'est-à-dire qu'on prend une obole, on traverse, on espère qu'on ira quelque part. Mais c'est pas sûr. Voilà. Alors, les chiffres et les lettres, c'est un peu comme ça. Il y a des chiffres, c'est vous qui les détenez. Oui. C'est l'heure, je m'arrête. Et je vous remercie de votre patience. Merci, Philippe Rath, de nous avoir fait entrer par ce biais-là.